va commencer, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa intabi'a tharahum utafama ba'da fin nastaqa al-hadith kitabullah wa khaira hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari amma ba'd. Fakunna tawakafna inda nafa thalith min al-tawhid, dans la troisième catégorie du tawhid, qui est tawhid al-dhat al-asma wa sifat. Tawhid al-dhat بمعنى الذات يعني بمعنى النفس, توحيد الذات بمعنى النفس يعني بمعنى التوحيد الذي تعلق بذاته سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. توحيد الذات tu peux dire, ou bien توحيد الأسماء والصفات, les deux c'est une appellation qui est, c'est un synonyme, يعني توحيد الذات ou bien توحيد الأسماء والصفات. لكن المراد ها هنا c'est pas de connaître et tout l'أسماء et tout les صفات d'Allah سبحانه وتعالى. Ce qui est voulu dans ce tawhid-là, tawhid al-dhat, ou al-asma ou al-sifat, c'est de connaître al-adab, le comportement que doit avoir tout musulman fi iza hadhihi al-asma ou al-sifat. On doit avoir un comportement, yani un tawhid dans ces asma-là et dans ces sifat-là. Et là, il va nous parler du comportement qu'on doit avoir. Yani lorsqu'on lit des textes dans lesquels ils sont évoqués les asma d'Allah subhanahu wa ta'ala ou al-sifat. Fa qala rahimahullah tawhid al-dhat والأسماء والصفات. نعم. فقال قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآيات إلى بقية آيات له comme dalil pour montrer qu'il y a un tawhid dans l'asma wa sifat. Il a évoqué l'ayat de surat قل والله أحد, surat قل والله أحد. Il faut savoir que cette surat là, la tasmiya الصحيحة يعني الشرعية, c'est قل والله أحد. أما surat الإخلاص, ça c'est une tasmiya qui est ijtihadiyya. C'est pas une tasmiya qui est venue yani fil kitab wa sunnah. Le Nabi sallam sammaha qul huwallahu ahad. Cheikh Yahya hafizahullah ta'ala, il a un livre dans, ou plutôt c'est une khutba qu'il a faite yani sur cette sourate là, et ensuite elle a été retranscrite à l'écrit, et il a évoqué dedans rahimahullah wa hafizahullah ta'ala al-adilla allati tadullu ala anna tasmiyata hadhihi al-sura al-shar'iyya c'est qul huwallahu ahad. Wa amma sourate al-ikhlas, ça c'est une tasmiya qui ijtihadiyya, yani c'est un effort de compréhension, c'est une déduction qu'ont fait les ulama par rapport à cette sourate là, parce que ça part de l'ikhlas. Lakin le vrai nom de cette sourate là c'est le qul huwallahu ahad. Comme a dit le Nabi sallam qul huwallahu ahad ta'dilu thulath al-Qur'an. Il a dit le Nabi sallam que qul huwallahu ahad c'était le tiers du Qur'an, le tiers du Qur'an, parce que le Qur'an, si jamais tu regardes bien, il se divise en trois. Un tiers dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala évoque le tawhid, que ce soit dans l'asma ou le sifat, ou bien dans le tawhid al-rububiyya ou l'uboudiyya. Allah azza wa jalla il évoque le tawhid, et ça comprend un thuluth du Coran, un tiers. Wa athuluth al-thani, c'est par rapport au ahkam, par rapport au hukuk al-tawhid, par rapport à l'ibadah, par rapport à ta'a. Allah subhanahu wa ta'ala il évoque, yani kathiran fi kitabihi, les droits du tawhid, qui sont le fait de l'adorer par salat et wazaka et autres parmi les ibadah. Et ça c'est le deuxième tiers. Wa athuluth al-thalith, c'est par rapport au qisas et par rapport au yani al-jaza wa al-iqab. Allah subhanahu wa ta'ala il évoque des qisas, yani les récits de ceux qui ont wahad Allah azza wa jalla, qui l'ont unifié, et il évoque كذلك le récit de ceux qui l'ont yani ashraka bih, qui l'ont associé. وذكر سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء. Il a évoqué la récompense de chacun de ces personnes-là, chacun de ces catégories-là. الجنة ou bien النار. فهذا هو جزاء التوحيد. هذا هو جزاء التوحيد. Donc c'est le troisième tiers. Donc التوحيد, le kitab Allah عز وجل ينقسم إلى ثلاثة. Le premier tiers c'est quoi? توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة. Le deuxième tiers c'est حقوق التوحيد, les droits du tawhid qui est la ibadah. Et le troisième tiers, c'est jaza at-tawhid, qui est la récompense du tawhid, ou bien la récompense de celui qui n'applique pas at-tawhid, qui est l'enfer. Fa qul huwallahu ahad ta'dilu kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thuluth al-quran. Naham, parce qu'elle ne parle que du tawhid. Elle ne parle que du tawhid. Et par rapport à un sabab al-nuzul qui a été évoqué, et est la cause de la révélation de cette sourate là, il évoquait que certains des mushriks, ils avaient demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla, il a descendu cette ayah là, cette sourate là plutôt, comme description de sa personne, comme description de sa personne. Fa sabab an-nuzul ma sabata. Elle est la cause de la révélation, elle n'est pas authentique. Donc pourquoi Allah azza wa jalla l'a descendu et pour quel sabab, wallahu a'lam. Lakin ce sabab là qui a été évoqué, c'est pas, il est pas sahih, il est pas thabit, il est pas thabit. Et Cheikh Mugbir rahimahullah ta'ala, il a un kitab qui est dans, qui est Mukhtasar et Mufid, dans lequel il a réuni les asbab al-nuzul, les causes, yani de révélation de certains versets, dans un livre qu'il a appelé, il a intitulé As-Sahih al-Musnad fi Asbab al-Nuzul. As-Sahih al-Musnad fi Asbab al-Nuzul, qui fait à peu près 200 pages. Donc c'est un livre qui vient et qui te permet de connaître l'authentique du faux, yani par rapport au asbab al-Nuzul. Enfin, il n'a pas évoqué ce sabab là. Et Cheikh Yahya Hafizahullah Ta'ala, dans son livre Qallahu Ahad, qui a été publié par les frères yani Dar al-Isnad, Hafizahumullah, il a évoqué que ce hadith là, il n'est pas authentique. Enfin, subhanahu wa ta'ala, il a évoqué l'unicité. Qul huwallahu ahad. Et Qul ya Muhammad al-Hawala, Anni أنا الأحد الأحد بمعنى برضو فيك الواحد يعني لونيك تمام قل هو الله أحد الله سبحانه وتعالى أي بذاته وأسمائه وصفاته وفعله أي de tout ce qui est en relation à Allah سبحانه وتعالى que soit توحيد الربوبية أي فعله يعني ses actes فهو الأحد فيه il est l'unique dans ses actes في أسمائه وصفاته unique dans cela وفي عبوديته سبحانه وتعالى il est unique dans cela. فالله عز وجل بذاته de sa personne أسمائه وصفاته وفعله في العبادة فهو الأحد وكذلك في الوجود نعم الله الصمد يعني اختلفوا في ذلك العلماء ما معنى الصمد وقيل هو الذي يحتاج إليه جميع الخلائق c'est celui dont الخلائق ils ont besoin de lui كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد Ô vous les gens, vous êtes les nécessiteux. Vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal, il se suffit à lui-même. Il est louable subhanahu wa ta'ala. قال لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. معروف إن شاء الله تبارك وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد. Il a appuyé cela. Il a appuyé cela en disant ولم يكن له كفوا أحد. بمعنى il n'a pas d'égal. الكفو بمعنى المثيل. بمعنى المثيل. Il n'a pas d'égal subhanahu wa ta'ala. Donc ça appuie l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala le dernier verset et kadhalika lam yalid wa lam yulad ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala se suffit de lui-même jalla jalaluhu wa tabaraka ismuhu fa cette aya là Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué dedans anwa' tawhid al-thalatha et plus particulièrement tawhid al-asma wa sifah il a évoqué dedans min asma'ihi ahad wa Allah yani il a évoqué Allah il a évoqué min asma'ihi ahad wa min asma'ihi as-samad Et il a appuyé cela qu'il était l'unique dans tous ses attributs et qu'un des cas ses caractéristiques subhanahu wa ta'ala. Wa qa'idaha huna wa lam yakul lahu kufuwan ahad, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala fil asma wa fi sifat. On va revenir inshallah à la fin vu qu'il a évoqué laysa kamithlihi shay. Na'am. Qala wa quluhu subhanahu wa ta'ala wa lillahi al-asma al-husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى Ça aussi, كَذَلِكَ ça évoque le tawhid dans l'asma. Parce que là, si tu veux, là, قُدِّمَ الْخَبَرِ qui est لِلَّهِ Ça, ils appellent شِبَ جُمْلَة dans la grammaire. وَالْأَسْمَى الْحُسْنَى ça c'est le mubtada. الْأَسْمَى c'est le mubtada. وَالْحُسْنَى c'est le na'at. Et dans le tertib de Jumal al-Ismiya, on commence généralement bin mubtada et ensuite on vient par le khabar. Les ulama ils disent que lorsque les ulama al-balagha, il y en a ceux qui se, il y en a le fun de l'éloquence, ils disent lorsque al-mubtada il est mis en deuxième position et il est précédé du khabar, ça ajoute yani une nukta balaghiya, ça rajoute une chose au niveau de l'éloquence, et ça c'est bien ma'na al-hasr. Donc qaida kiram yani taqdim haqquhu ta'khir, lorsqu'on fait précéder une chose qui normalement vient en second lieu, ça porte un sens en plus. Fiere le Coran, on aurait pu dire al-asma al-husna lillah. Al-asma al-husna lillah mubtada avec son i'at et le khabar à la fin. Lakin le fait qu'on a fait précéder al-khabar ala al-mubtada zada fi al-ma'na bima'na laysa li ghayri Allah azza wa jal al-asma al-husna. Ou in shi'ta taqul innama al-asma al-husna lillah, innama al-asma al-husna lillah. Ça, ça évoque la notion du tawhid, la notion de l'unicité, al-hasr, comme disent les ulama. Yani le fait de spécifier une chose à quelqu'un. Donc, al-asma al-husna a son spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. Donc, ce verset-là, il appuie bien, Bartlofik, yani, tawhid al-asma. Le premier aussi, lakin, il est aham, il est plus général. Mais celui-là, il est spécifique au asma. Mad dalil ala. يعني التوحيد في الأسماء هذه الآية لله الأسماء الحسنى لا لغيره c'est pas pour autre que Allah سبحانه وتعالى والأسماء الحسنى الحسنى c'est-à-dire le يعني الكمال فيه الأسماء الحسنى et الكمال les أسماء qui sont de perfection qui sont parfaits نعم فالأسماء الحسنى لله عز وجل. C'est quoi la norme yani de Asma lillahi azza wa jalla qui sont husna? La première des conditions, comme a dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il faut awwalan, tamam, que ce nom-là il soit venu dans le kitab et la sunna. Ça c'est la première des choses. Et lorsqu'on dit le kitab et la sunna sahiha yani, qui est authentique. Il faut que le prophète l'a attribué à Allah azza wa jalla, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même attribué. Si jamais c'est le cas, deuxième étape, on regarde, est-ce que ce nom-là, qui était attribué à Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il comporte une sifa? Il faut qu'il comporte une sifa, un qualificatif. Comme, مثلاً, Barclofik, يعني Allah. Fa as-sifa hauna al-uluhiyya. Tam. Wa ahad, al-ahadiyya. Al-khaliq, al-khalq, al-raziq. يعني لا ينفئد الرازق للصفة du الرازق يعني le وصف qui est inclus dans son اسم الرازق c'est الرزق avec la fatha تمام c'est pas الرزق الصفة المتضمنة du اسم سبحانه وتعالى الرازق c'est الرزق et c'est pas الرزق comme l'ont prétendu certains des ulama il a نبه على ذلك الشيخ صالح الشيخ وفقه الله تمام tu dis sifatu al-raziq ou bien al-razaq, c'est al-razq. Amma al-rizq, ça c'est le athar. C'est la conclusion de son acte. Fa-mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un enfant. Hada yuqal, hada min rizqillahi azza wa jal. Et l'action qui t'est donnée à un enfant, on appelle ça al-razq. Ou amma l'enfant, on appelle ça rizqun. Parce que si jamais on dit rizq, avec la kesra, parce que la chose qui est créée, comme l'enfant, c'est un rizq. Donc si on dit rizq, huwa fi'lullah subhanahu wa ta'ala, il y en a compris. La créature, c'est rizq. Ou amma fi'lu subhanahu wa ta'ala, c'est al-rizq. Par rapport au ismuhu subhanahu wa ta'ala, al-razaq. N'aham. Fa, asma'ullah subhanahu wa ta'ala, kulluha. Sans exception, كلها تتضمن صفة. Elle comporte un caractère, un qualificatif, un wasf, une sifa. وهذا لابد منه. Si jamais on trouve un nom, on regarde awalan. Est-ce que ce nom-là, il comporte une sifa? Si jamais ce nom ne comporte pas de sifa, ça ne peut pas être. يعني من أسماء الله عز وجل. C'est pour ça que se sont trompés ceux qui disent que من أسماء الله عز وجل الشيء. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله كما في القرآن. Certains ont dit comme Cheikh Yahya حفظه الله comme je me rappelle, il a dit الشيء سمين أسماء الله عز وجل. لكن الآن regarde شيء. C'est quoi la sifa dans شيء? Il y a pas de sifa. As-Sahih, c'est que dans cette ayah-là, ça c'est un mimbab al-khabar, et Allah Azza wa Jalla nous informe dans cette ayah-là qu'on peut informer de lui que c'est une chose. Lakin, ça ne fait pas partie de ses noms. Ça ne fait pas partie de ses noms. Pourquoi ? Parce que Shay, ça ne comporte pas de sifa. Donc, les noms d'Allah Azza wa Jalla, al-husna ay al-mutadammina li sifa. وهذه الصفة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Donc c'est une sifa qui est parfaite, une sifa qui ne comporte pas de naqais, de uyub, de défauts. Ce sont des sifas qui ne comportent pas de défauts. Toute sifa qui comporte un défaut ne peut pas être une sifa d'Allah Azza wa Jalla, et le nom qui a été déduit de cette sifa là ne peut pas être un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible. La budda an yakuna يعني خالي عن العيوب والنقائص. La troisième condition, quatrième, non. Il faut que ce soit asma al-madh, des noms par lesquels on complimente Allah subhanahu wa ta'ala et on invoque comme il a dit, fadu'uhu biha, adorez-le yani par ces asma-là, demandez par ces asma-là. Donc ce sont des asma par lesquels on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, des asma par lesquels on fait l'éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, nuthni alayhi, on le complimente. Tamam, fa la budda min dhalika. Si jamais c'est un ism, tamam, kadhalika, comme on a dit, on pense que c'est peut-être min asma'i, lakin on peut pas faire de louange avec. C'est pas possible que ce soit min asma'i Allah azza wa jal. Certains ont dit ash-shay min asma'i Allah azza wa jal, al-husna. Qala ba'dhum laysa kadhalika. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Li'anna ash-shay لا يتضمن صفة أصلا. Il comporte pas une sifa. Al-Shay. Quelle est la sifa de son nom Shay? Il n'y a pas de sifa. Thaniyan, ça ne fait pas partie des madaih. C'est pas un nom par lequel on complimente Allah ya Azza wa Jalla. Tu dis ya Shay, a'tini kada wa kada, a'udhu billah. C'est impossible qu'une personne il demande à Allah Azza wa Jalla et il implore avec le nom ya Shay. Hatta si jamais tu veux parler à quelqu'un, tu veux l'interpeller, tu dis Yashay, il va te dire sois poli mon frère, tu vois. Oh la chose. Et il va te dire s'il te plaît, j'ai un prénom, tu vois. Donc c'est la sifa wala kadhalika batlufi kalmadhufi. Donc on ne peut pas l'adorer par ce nom-là. Donc le fait qu'on ne peut pas l'adorer par ce nom-là, ça ne fait pas partie d'Asma al-Husna, parce qu'Allah il a dit fadu'uhu biha. C'est un dhabit qui nous permet de savoir si jamais c'est un des noms d'Allah Azza wa Jalla. Yani un des noms vraiment qui s'est attribué. كذلك من الأسماء التي أخطأ فيها بعض العلماء الدهر. تام. في الحديث. تام. أنا الدهر. أقلب الليل والنهار. تام. Dans le hadith qui est authentique, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith al-Qudsi, dans lequel Allah dit أنا الدهر. Je suis le temps. أقلب الليل والنهار. J'altère la nuit et le jour. Certains des ulama comme Ibn Hazm, si je me rappelle bien, ils ont dit que min asma'illahi azza wa jalla ad-dahr, min asma'i subhanahu wa ta'ala ad-dahr, ma ma'na ad-dahr, le temps. Qulna thumma ba'da zalika hal hadha al-ism yani min al-mada'ih kadhalika yani la personne il se rapproche à Allah azza wa jalla en l'implorant par ad-dahr fa hadha kadhalika al-ulama qalu hadha yani yatanafa, c'est pas possible. Fa on retrouve ni la sifa et ni kada les cas, on peut le complimenter, on peut faire l'éloge à Allah subhanahu wa ta'ala bihada l'ism. Fa bidhalika yatabayyan que c'est pas possible que ce soit un ism min asma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zada ala dhalika Sheikh al-Uthaymin rahimahullah wa qala fi al-hadith, yani si jamais on comprend bien le hadith, ana ad-dahr. Tam. Ma huwa ad-dahr az-zaman? Al-layl wa an-nahar yani. La nuit et le jour. Qala uqallibu al-layl wa an-nahar. Tam. Si jamais maintenant on comprend bien que ad-dahr bima'na al-layl wa an-nahar bima'na az-zaman. Wa az-zaman c'est al-layl wa an-nahar. La nuit et le jour. Tam. Dans le hadith il est dit tam ana ad-dahr, je suis le temps, uqallibu bima'na uqallibu ad-dahr ay al-layl wa an-nahar. C'est moi qui fais l'alternance de jour et la nuit. Et ad-dahr c'est le jour et la nuit. Donc ça voudra dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'altère lui-même. Tu vois, si jamais on dit ad-dahr bima'na, de toute façon, c'est ça. C'est bimahna zaman, bimahna lay wa nahar. Fallah azawajal, c'est celui qui alterne la nuit et le jour. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui s'alterne lui-même. Il a dit, c'est pas possible. Al-Sheikh al-Uthaymin. Et ça, c'est un troisième point. Il y en a qui montrent que c'est pas possible. Lakin, qu'est-ce qui est voulu ici? Ana ad-dahr et ana muqallibu ad-dahr. Lorsqu'Allah azawajal dit, ana ad-dahr bimahna ana muqallibu ad-dahr. C'est moi qui donne l'alternance, yani, de la nuit et le jour. La nuit et le jour, c'est moi qui donne, qui alterne, yani, uqallib, tam, uqallib. Fa'adha huwa. Fa'al-asma al-husna labbudda min hazihi. Al-arba, haunshita taqula salatha. Labbudda an yakuna tawqifi. Il faut qu'on ait trouvé une preuve du kitab la sunna qui montre qu'Allah Azza wa Jal ou bien Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam il s'est attribué ce nom-là. Si jamais c'est le cas, labbudda min al-nadhar fi hadha al-ism. Est-ce qu'il comporte une sifa, et tu peux dire même une sifa la naqsa fiha bi wajhin min al-wujuh. Une sifa qui est parfaite directement. Et le troisième point, yani, que ces asma-là, Bartlofik, yani, ce sont asma mada'ih, dans lequel on fait l'éloge à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette ayah, la fadu'uhu biha. Si jamais ces trois ou bien ces quatre points-là sont réunis, ça, on pourra dire que ça fait partie des asma al-husna lillahi azza wa jal. Comme mathalan al-khaliq. Al-khaliq, ثبت في كتاب الله عز وجل que يعني c'est le خالق والله خالق كل شيء مثلا. Donc là cette ayah nous montre qui s'est attribué, qui s'est appelé le خالق. Deuxième étape, est-ce qu'il comporte une sifa? Naham, يعني يخلق وهو الخلق, يعني la création. Est-ce qu'il y a un نقص في ذلك؟ لا نقص فيها, يدل على الكمال. Allah subhanahu wa ta'ala يخلق ما يشاء, il fait ce qu'il veut, et en plus il le dit avec كون فيكون. Il le fait simplement, subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre yani, la perfection dans, dans cet attribut-là. Et troisième point, c'est que tu peux faire yani, al-madh wa tad'u subhanahu wa ta'ala. Tad'u ya khaliq. Lorsque tu fais une invocation, tu peux dire ya khaliq. Ma'ruf. Donc tout cela, ça montre que ça fait bien partie d'asma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qis ala dhalika. Tu fais le qiyas yani, par rapport aux autres asma. Qala ha huna, qala fad'uhu biha. Yani, Abdullah, oui. J'ai juste une interrogation par rapport à quand tu dis Al-Asma al-Husna. Au début, j'ai eu un doute en pensant que peut-être on allait voir les Husna et des autres qui sont qualifiés autrement. Non, sont tous Husna. Ah, d'accord. Voilà, Yani. Concernant tous les mondes. Exactement. Ah. Ces conditions-là qu'on a vues, ces points-là qu'on a vus, Yani te permettent Yani de savoir si jamais ça fait partie des noms d'Allah et Azza wa Jal qui sont tous Husna. Ah. Voilà. D'accord. Je pensais d'une catégorie spécifique qui sont les husna et d'autres que les savants ont appelé autrement. Non. Il y a un petit. Voilà. C'est bon. Voilà. Al-husna bimana al-kamal. Yani les noms parfaits. Qala fad'uuhu biha. Wa da'wa huna, qala al-ulama, da'watan. Da'watu mas'ala, wa da'watu ibada. Donc on doit adorer Allah Azza wa Jal par ces deux catégories de l'ibada, deux catégories de ad-du'a. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعوة مسألة. دعوة مسألة معروف. C'est le fait que tu évoques le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu fais une dua, lorsque tu fais une invocation. Ya Rahman irhamni. Ya Raziq arzuqni. Ya Karim akrimni ila akhirih. Lakin les ulama ils ont évoqué que lorsque tu fais surtout Cheikh Al-Ansaymin, il a dit c'est-à-dire que tu dois évoquer le nom qui est munasib et qui correspond à ta demande. Si jamais tu veux demander à Allah Azza wa Jal yani annahu yarhamuk, fala taqul ya khaliq irhamni. Yani le munasib que tu évoques yani ismuhu Rahman. Ya Rahman irhamni. Celui qui veut l'izza. Il dit ya aziz a'izni. Il ne va pas dire ya Bartlofik, je ne sais pas moi, ya Wadoud, a'izni. Il faut que le nom il corresponde à la demande. Il faut que le nom il corresponde à la demande. Ou taqul ya Shadid, irhamni. Ya Qawi, irhamni. Al-Murad, huna, ya Rahman. Yani tu viens avec le nom qui est quoi? Qui correspond à, à ta demande. كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تأتي بالأسماء المناسب للسؤال. Les noms qui correspondent à la demande. Ça s'appelle دعوة المسألة. De ramener les asma qui correspondent à la demande, à ta demande, à ton invocation, à ta dua. أما دعاء العبادة, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'implique ces noms-là. مثلا يعني من أسماء الله عز وجل الرقيب. الرقيب يعني celui qui surveille يعني. كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن عيسى وكنت أنت الرقيب عليهم. Si jamais un insan yani عنده العقيدة الصحيحة في قلبه qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-raqib. Ma'na dharika, il faut que yakhafuhu subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il ait peur d'Allah azza wa jal. Si jamais vraiment il a une foi yani qu'Allah azza wa jal il est raqib. Bima'na lorsqu'il est tout seul, qu'il soit en public ou bien en privé yani tout seul, yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala, il craint Allah azza wa jal. Parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le surveille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Donc si jamais il a compris même ma'na al-raqib, ma'na dhalika, il s'écarte des péchés. Wa yukhlis lillah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherche pas al-riyal innas. Il ne cherche pas l'ostentation dans l'adoration. Yukhlis lillah subhanahu wa ta'ala wa yabta'id an al-mahasi. Wa an kulli ma la yuhib Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les choses qu'Allah azza wa jalla n'aime pas. Ça, ma'na yani fadu'uhu biha da'wa ibada. Il adore Allah Azza wa Jal yani par rapport à ce que demande ces asma-là. Al-Raqib demande que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rahman demande que la taqnut ma rahmatillahi Azza wa Jal. Que tu ne désespères pas de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shadidu l'intiqam, yani yadu'uka, il implique que Bartlofik yani la ta'man min makrillahi Azza wa Jal. Que tu ne penses pas que tu sois à l'abri de. Comment ça s'appelle, de maqr Allah subhanahu wa ta'ala ila akhirihi. Donc tu dois l'adorer par rapport à ce que appelle ces noms là. Falabuda min al-ithnain, du'a al-ibada wa du'a al-mas'ala. Naam. Qala wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Ila ila munasi wa dharu alladhina ilas bima'na wa dharu bima'na watruku. Alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Lorsqu'il dit wa dharu yani la takhadu ma'ahum. Après le bayan, ne polémiquez pas avec ces personnes-là. Après que vous les avez bien conseillés et démontré la vérité et dévoilé la vérité. Si jamais ils s'entêtent, kadhalika a yani modifié l'aspect de mes noms, yani délaissez ces personnes-là. Délaissez ces personnes-là et écartez-vous de ces personnes-là. Tam ibta'idu min ha'ula. ليس معنى وذروا يعني كفوا بالنصيحة لابد من النصيحة والبيان فإن فعل بعد ذلك فإن عاند الحق فكما قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وكما قال سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا écarte toi de ceux qui se sont écartés de notre rappel. Et le fait qu'on donne nasiha, c'est le rappel d'Allah عز وجل. Donc celui qui ne prend pas la nasiha, il n'a pas pris le rappel d'Allah سبحانه وتعالى, donc on doit s'écarter de lui. ذروا وذروا الذين يلحدون. يلحدون في اللغة العربية سيدل على الانحراف يعني une déviation. يلحدون ceux qui dévient, parce que c'est venu même yani dans la tombe, yani lorsque il y a deux manières de faire de creuser une tombe, soit le shaq ou bien soit al-lahd. Al-lahd c'est-à-dire qu'on creuse et ensuite à un moment on dévie de yani sur la droite, yani sur le côté, et dans ce trou là on met le mort. Ou bien shaq c'est-à-dire qu'on creuse et on va dans la profondeur, yani on va pas sur les côtés. On appelait cette manière de creuser en déviation, on l'appelait l'ahd. Pourquoi? Parce qu'il y a un harif an jihati al-hafr. Et on a creusé, ensuite on a pris une autre direction, on n'est pas parti dans la même direction que le début. Pour ça qu'ils ont appelé ce trou là dans lequel on met le mort, ils ont appelé ça al-lahd. لأنه ينحرف عن جهة الحفر. Il dévie de la direction du trou qu'on avait commencé. نعم. فالملحد بمعنى الذي يعني ينحرف وهو المنحرف. وذروا الذين يلحدون أي بمعنى وذروا الذين ينحرفون. ceux qui sont égarés, ceux qui s'égarent. Et ils ont évoqué يعني plusieurs façons de s'égarer dans les asma d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dévier. Parmi ceux-là, de prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des égaux dans ses asma. Ça fait partie de ilhad. C'est une déviance. Amma awjaba Allah subhanahu wa ta'ala an yakun. Allah azza wa jalla nous a ordonné d'avoir la conviction et la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses asma. Et lui, il vient et il prétend que d'autres, en dehors d'Allah azza wa jalla, ils ont asma al-husna. Fahada qadda inharafa. Hada qadda inharafa. Ou bien le fait d'appeler une personne par un nom dont ce nom-là est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle par un nom des noms de husna d'Allah subhanahu wa ta'ala. comme مثلاً Allah, il appelle une autre personne Allah. Astaghfirullah, yani. Ça fait partie de l'ilhad. Il faut savoir que les noms d'Allah Azzawajal, par rapport à l'appellation, ils se divisent en deux. Des noms dont c'est interdit, quoi qu'il en soit, d'appeler autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom-là. Ka Allah subhanahu wa ta'ala, lafzul jalala, Allah, la yajuz, mutlaqan, catégoriquement d'appeler une autre personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom-là. Ou bien, kadhalika al-khaliq, la yajuz, d'appeler une personne, que tu dises khaliq ou bien al-khaliq, que tu mettes le L ou bien tu ne mettes pas le L. Khaliq ou bien al-khaliq, la yajuz, lillahi faqat, kadhalika al-raziq, la yajuz, an yusamma ghayra Allah haja wa jal. Mutlaqan, que tu dises raziq ou bien raziq, la yajuz. Kazalika bertlofik, yani ar-Rahman. Que tu dises ar-Rahman ou bien ar-Rahman, la yajuz. Que tu sammin la subhanahu wa ta'ala bihadihi al-asma. Et il y a d'autres asma dont tu as le droit d'appeler un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala biha. Lakin lisaha al-sabil l'itlaq. Tu ne ramènes pas elle. Tu ne peux pas dire une personne, tu l'appelles ar-Rahim. Ala la yajuz. Tous les asma. Catégoriquement, là il y a deux qu'on met « al » et on appelle une personne par cela. Tu dis « celui-là, il y a « ismuhu al-karim » là. Lakin, tu peux le qualifier comme étant « al-akh al-karim ». Ce n'est pas un nom, c'est une sifa. Lakin, que tu l'appelles « al-karim », là il y a deux. « Karim » naam, sans « al ». « Karim » la basbihi, tu peux. « Kadhalika ra'ouf » tu peux. « Rahim » « Wadoud » ila khidehi. Tous ces noms-là, dans lesquels, si jamais tu enlèves « elle », ça n'implique pas l'association, là, dans ce cas-là, tu peux appeler une personne par cela. « Kama qala subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alayhi ma 'anittum, harisun alaykum bil mu'minin ra'ufur rahim. » Fasammahu ra'ufur rahim. Allah Azza wa Jalla, kadhalika min asmahi ar-ra'uf wa rahim. Fala asma. Il faut faire attention par rapport à l'appellation. Il y a certains asma dont tu n'as pas le droit d'appeler autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas appeler autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres que tu peux appeler autre qu'Allah biha lakin biduni al. Biduni al. Naam. Ou yani yajuz bil idafa mathalan. Taqul rabbul bayt. Rabbul bayt. Yani le patron de la maison, si on peut dire. Ala la basbihi. Taam. أما الرب كتبنا مثلاً الرب هذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم فأبلي أن أدخل الله سبحانه وتعالى بأسمائه على وجه الذي يختص به de la voix dont elle est spécifique الله عز وجل فهذا كذلك لا يجوز بالشرك كل هذا سيد كفر بيد الشرك وهذا كذلك من الإلحاد إلى آخره ف ils ont évoqué beaucoup de choses يعني dans الإلحاد يعني وهذا إن شاء الله c'est pas le مقصود لكن c'est juste une إشارة. Et ça, c'est étudié plus profondément dans Al-Qawahid al-Muthla, le Cheikh Al-Azhaïm, rahimahullah. Lakin, c'est juste, Bartlofi, qui en est un tenbi ou un ishara. Naam. Yani par rapport à l'Ilhad, certains exemples, pour bien comprendre qu'est-ce qui est voulu dans le verset. Qala sayujuzawna ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser, c'est-à-dire en mal, si jamais ils meurent sur cela. Si ils meurent, yani sur Al-Ilhad, yani fi asma'ih. فهذا الله عز وجل سيجزون بما كانوا يعملون وهو عقاب سبحانه وتعالى الأبدي. Sa sentence éternelle qui est l'enfer. نعم. قال وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هذه الآية c'est une grande قاعده dans الأسماء et كذلك dans الصفات. الله سبحانه وتعالى il est unique. ليس كمثله شيء. والكف هنا dans ليس كمثله شيء. Les ulama ختلفوا فيه. لكن الصحيح انه صلة التوكيد. يعني c'est comme si jamais c'était une répétition. Ce kaf là. C'est comme si jamais c'était dit laysa kamithlihi shay, laysa kamithlihi shay, laysa kamithlihi shay. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala la uqsimu bi yawm al-qiyamah. Al ma'na dhalika Allah subhanahu wa ta'ala ne jure pas par al-qiyama, parce que là, on peut comprendre que c'est la négation. La uqsimu, et je ne jure pas. Lakin huna al-murad bidalika uqsimu biyawm al-qiyama. C'est une répétition. La uqsimu biyawm al-qiyama, c'est comme si il avait répété ce verset-là plusieurs fois. Uqsimu biyawm al-qiyama, uqsimu biyawm al-qiyama, uqsimu biyawm al-qiyama. Fa huna kadhalika, laysa kamithlihi shay, Atakadaika, c'est une répétition. Parce que si jamais on dit kaf, yani bimana mithl, ça voudrait dire quoi? Leisa mithlo mithlihi shay. Donc ça voudrait dire que son égal n'est pas égal. C'est-à-dire qu'on lui a mis un égal, ensuite on a réfuté cet égal-là. Donc c'est yani un peu, voilà, c'est une contradiction. Parce que le kaf, yani dans la langue arabe, maintenant tu sais pour le tashbih, c'est ma'rouf. Tu dis yani, maintenant, anta kafulan. Yani tu le ressembles, tu es mithlohu yani. Lakin hona, c'est pas un mithlo, c'est pas shib. Laysa shib ou mithlohu shi, hada. Ça n'a aucun sens. C'est du shirk même. Yani c'est de mettre un égal, ensuite dire qu'il n'a pas d'égal. C'est de la philosophie. C'est être ou ne pas être là, un peu. Ensuite, il a dit, wa huwa sami'u al-basir. Donc il a fait une négation, et ensuite il a ramené l'affirmation. Laysa kam mithlihi shi. Aïe fi asma'ihi, aïe huwa al-ahad, comme on dit subhanahu wa ta'ala, qu'il huwa Allahu ahad, il est unique dans ses asma' wa sifa. Bima'na laysa lahu mathil, laysa lahu mathil, il n'a pas d'ego dans ses asma' et kadaika dans ses sifa. Qala wa huwa al-sami' al-basir, négation et affirmation. Parce qu'on peut comprendre que négation, c'est-à-dire qu'il n'a pas de qualificatif. Il n'a pas, d'ego, mais il a des qualificatifs, yani, dans lesquels il est unique, subhanahu wa ta'ala. Et il a évoqué parmi ses asma, as-sami' wa-basir. As-sami' wa-basir. Qala al-ulama, pourquoi mathalan n'a pas été dit al-halim ou al-hakim, al-wadud, al-ra'ouf, ila akhiri, yani, pourquoi d'autres noms n'ont pas été choisis? Et pourquoi, yani, as-sami' wa-basir? Qala al-ulama, yani, afin de bien appuyer et d'accentuer le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié de qualificatif qu'on peut retrouver en effet le khalq. Yani, il a des qualificatifs, il a des sifas qu'on retrouve kadalika fil khala'iq. Mais dans ces sifas-là, Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Parce que certains peuvent penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs, et ces attributs-là, on ne trouve pas. On ne les trouve pas chez le khala'iq. On les trouve chez le khala'iq, lakin, elles ne sont pas de la même manière dont elles sont sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans le hadith al-sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lu cette ayah-là, il a dit, « Laysa kam mithlihi shay, wa huwa sami'u al-basir » et il a mis son pouce sur l'oreille, et le petit doigt, il a mis sur l'œil. قال البيهقي رحمه الله تعالى قال تحقيقا pour dire que c'est pas du majaz, c'est pas une métaphore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend et voit comme nous on entend et on voit, lakin Allah subhanahu wa ta'ala n'entend pas comme on entend et ne voit pas comme on voit, mais Allah il voit et nous on voit, il entend et nous on entend, lakin Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas comme on voit et il n'entend pas comme on entend, hatta fil khala'iq, entre les makhlouq. Il y a certains, ils ont une vue qui est beaucoup plus basse que d'autres. Il voit et toi tu vois. Lakin, lui, il voit moins bien que toi. T'entends et lui, il entend. Lakin, il entend mieux que toi ou toi, t'entends moins que lui. Enfin, il y a une, comment ça s'appelle, association dans Al-Asl Sifa. Dans le fait que chacun entend. Lakin, lorsque cette Sifa-là, elle est attribuée à un tel ou à un autre, elle est spécifique à un tel ou à un autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle est spécifique à lui. On entend, il entend, lakin, sam'uhu laysa ka sam'ina, subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla, il a choisi sami'u al-basir, il a choisi ces deux noms-là, parce que c'est les deux noms-là qu'on retrouve dans chacune des créations. Toute création, ou bien la plupart de la création, elle a un sam', elle a un basar, elle a une nuit, elle a une vue. Pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala entend, comme entendent la plupart des khala'iq. Et il voit comme voit la plupart des khalaiq. Lakin, il entend d'une manière qui n'est pas comme al-khalaiq. Yani, c'est pour montrer que le fait que certaines des créatures, ou bien la plupart des créatures, voient et entendent, c'est pas pour autant qu'il y a une ressemblance. Fa'ada yani bil-khalas, c'est le tawhid al-asma wa sifa. Il repose sur quatre choses. Pour conclure, yani. Tawhid asma wa sifat, tawhid al-dhat, il repose sur quelque chose. Ithbatun bila tamthil. C'est-à-dire que toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à lui-même, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué, on lui attribue sans lui mettre un égal. Wa kadhalika bartlovi ki'ani al-nafi bila tahdil. et on rejette les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas attribué, il y en a sans ta'til, c'est-à-dire sans ta'til, comment on va l'expliquer ça en français, ta'til, c'est-à-dire de faire une négation qui est totale. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit qu'il ne s'est pas attribué cette sifa-là, cette négation-là, c'est pas une négation qui est totale. Elle est partielle. مثلاً Allah subhanahu wa ta'ala يعني نفع نفسه الظلم طب إني حرمت الظلم على نفسه فلا تظالمه. Allah عز وجل نفع نفسه الظلم. Il s'est pas attribué الظلم. لكن est-ce que c'est un nafi qui est مطلق? Non. نفع نفسه الظلم وأثبت لنفسه العدل. Il n'est pas injuste parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste parce qu'il est juste. Amma certain des khalaiq, tu peux dire d'une personne, il est ni juste et il est ni injuste. C'est-à-dire que tu vas lui en étanfi an nafsihi ashay, lakin bidouni ithbat, sans lui attribuer derrière. Avec le hadith, مثلا, celui qui est incapable. Allah subhanahu wa ta'ala nafa an nafsihi al-adzl. Il ne s'est pas attribué sifat al-adzl. Le fait qu'on ne peut pas faire une chose, yani. Pourquoi? Parce que il est à la cool et chez un qadir. Il est capable de toute chose. Un certain des khalaiq, il est incapable de faire une chose. Pourquoi? Parce qu'il est incapable. Amma Allah subhanahu wa ta'ala nafa an nafsihi al-adz. Pourquoi? Parce qu'il est à la cool et chez un qadir. Il peut faire toute chose. Amma celui qui est incapable, il ne peut pas faire toute chose. Yani, nafa an nafsihi li-ithbati shay. Lorsqu'il fait un nafié, il attribue une chose derrière. Et ça, c'est le kamal aussi. Nafir an nafsihi dhulm, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adl. Allah subhanahu wa ta'ala, nafir an nafsihi al-mut, parce que c'est le hay. Il y a des gens, mathalan, yani, qui ne sont pas vivants. Parce qu'ils ne sont pas vivants. Tout simplement. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, nafir an nafsihi al-mut, il ne se l'est pas attribué parce que c'est lui le vivant. Al-Hayy. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un ta'til, c'est-à-dire un néant. J'ai trouvé le mot. Le ta'til, c'est le néant. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne s'attribue pas le néant. Il y a une négation, lakin avec une affirmation. Ah, voilà, c'est ça. Négation avec affirmation. Amma, il y a des choses, c'est le néant. Il est hadith, pourquoi? Parce que c'est un handicapé. C'est un zalim, pourquoi? Parce qu'il est incapable d'être juste. Ou bien certains, yani, mathalan, yani, il n'est pas zalim. Il ne fait pas d'injustice. Est-ce que parce qu'il est capable d'être juste? Non, parce que tout simplement, il est faible. Et comme on dit l'ulama, la qaïda chez l'ulama, c'est quoi? C'est n'afficher ma ithbati kamal et diddihi. Non, fi yani, la subhanahu wa ta'ala shay'an, que lui-même, c'est ne s'est pas attribué. Et on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala l'inverse de cette sifa-là. Laysa bi zalim li annahu al-adl. Laysa bi mayyit li annahu huwa al-hayy. Laysa bi ajiz li annahu ala kulli shay'in qadir. Laysa bi zalim ila akhirih. Amma certain yani sul niam. Naam. Afalam la juste si j'ai bien saisi. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être une chose, se caractériser par une chose ou se l'interdire sans attribuer. S'il affirme l'inverse, s'il affirme l'inverse pour lui-même. Ah, exactement. Exactement. C'est clair, Inch'Allah. Alors que les créatures, ils peuvent ne pas être une chose, non. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas cette chose-là. Exactement. Il y en a de manière concise et résumée. Yani, Al-An Tawhid al-Asma wa Sifat, il repose sur quatre choses. Al-Ithbat, ce que Allah Azzawajal s'est attribué, lakin biduni mumathala, sans lui mettre un égal, ou bien des égaux. Al-Nafiyé, biduni ta'dil, lakin avec cela, en parallèle de cela, on lui attribue l'inverse de ces caractéristiques-là, de ce sifa-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas attribué, c'est-à-dire, nafiyin biduni ta'dil. Une négation sans qu'elle ramène au néant. وَكَذَلِكَ بِدُونِ تَكْيِفِ sans dire كَيْفَ. On n'a pas le droit de demander كَيْف. مثلا, Allah subhanahu wa ta'ala يَنْزِلْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ. Nous, on doit quoi? Al-Imanu Billahi Azza wa Jal. On prend le texte comme il est venu et on dit Allah subhanahu wa ta'ala descend dans chaque tiers de nuit, le dernier tiers de nuit. Wa intahina. Le kayf, hadha la yajuz lana. Comment il descend? Ça, on n'a pas le droit de demander. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit subhanahu wa ta'ala wa la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala en connaît l'interprétation. Donc si jamais il est seul à connaître cette interprétation-là, ça ne sert à rien de demander kayf. C'est-à-dire que tu poses une question dans laquelle tu n'auras pas de réponse. Et tu poses une question dans laquelle tu as ouvert à Shaitan, il y a ni des boulevards, il y a ni pour te mettre des wasawis. Et pour te mettre des doutes dans ta aqidah. Parce que tu auras ouvert des portes, il va te faire mettre des égales à Allah subhanahu wa ta'ala. Il descend comme, descend Fulan ou bien des trucs comme ça, tu vois. C'est le cas, nous sommes at-taslim, la soumission totale. Le texte, il est venu, on le prend comme il est venu, comme l'a dit l'imam Shafi'i. Amantu billahi wa bi kitabillahi ala muradillah. J'ai foi en Allah, au kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a entendu. Wa amantu bi rasulillah wa bi sunnati rasulillah ala muradi rasulillah. Et je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa sunna de la manière dont l'a compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Nabi Sam il n'est pas rentré dans ces choses là kayfi à ceci cela. Et pour ajouter, pour finir inshallah, il y a un imimbab les adillah qui sont aqliya, il y a ni par la raison, par la logique. On ne peut pas poser une question, il y a ni kayf, d'une chose qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent les ulama, pour pouvoir poser cette question à kayf, d'une chose qui est invisible, il faut l'avoir vu. Et personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hatta. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est min al-khala'iq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a dit, nourun anna ara, khilaf bain al-ulama. Est-ce que Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala dans al-mi'raj? Al-sahih, c'est qu'il ne l'a pas vu. Lui-même, il a dit, nourun anna ara. J'ai vu une lumière. Anna'ara, comment je peux le voir alors que j'ai pas pu bien voir la lumière? Donc il n'y a personne qui l'a vu. Donc on ne peut pas demander kayf sur une chose dont personne n'a vu comment il est, parce que personne ne va donner la réponse, tout simplement. Thaniyan, on peut demander yani le kayf yani à une chose qui est insemblable. Tu vas dire kayf à kada, il va te dire bah il ressemble à kada. Et c'est pas possible aussi dans ce cas-là, parce qu'Allah il dit laisa ka mithlihi shay. Le premier, on peut pas demander à une personne, parce que cette personne-là, personne l'a vu, donc on peut pas dire kayf à cette personne-là. Kayf yani ala nafsik, mais bab ola, tu peux pas te demander à toi-même parce que tu l'as pas vu, et ni demander à une autre personne parce que cette personne-là ne l'a pas vu, donc tu peux pas te répondre. Thaniyan, parce que Allah azza wa jalla n'a pas de ressemblant, donc tu peux pas demander à quelqu'un un kayf, peut-être qu'il l'a pas vu. Mais il a un ressemblant. Donc il va dire, bah, il ressemble à kada wa kada. Hada kadalika la yujad. Laysa kamithlihi shay. Fi asma'ihi wa sifatihi wa nafsihi subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, ni cette personne-là l'a vu et ni l'a vu son semblable. Mais peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a informé. Il lui a informé de l'état de la chose telle qu'elle est. Que Allah azza wa jal il descend kada wa kada. Que Allah azza wa jal l'a informé de la manière dont il est qualifié exactement par rapport à ces sifas-là. Et là, kazalika, c'est le même cas. Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé à aucune des créatures tam al-kayfiyya, le pourquoi du comment, la manière. Il nous a juste évoqué qu'il descend. Alors, descendre, on sait ce que ça veut dire dans la langue arabe. Allah azza wa jalla a révélé son kitab billugha al-arabiyya pour qu'on comprenne lorsque il nous porte un discours. Yanzil, on connaît, on sait ce que ça veut dire yanzil. On sait ce que ça veut dire dans la langue arabe, yanzil. Lakin nuzuluhu subhanahu wa ta'ala laysa ka mithlina. C'est ça qu'il faut se dire. Donc on ne peut pas se poser la question du kayf. C'est impossible et ça rentre dans l'anat et ça rentre dans khutuwati shaitan. Tuhid asma wa sifa ithbatun bila tamthil nafyun bila ta'til wa la yaduz al kayfiyya aswal bi kayf. هذا هو إن شاء الله تبارك وتعالى. C'est-à-dire il y a au moins 4 choses. Le quatrième quoi? au début d'année, il repose sur quatre choses. Oui, quatre choses. J'ai donné combien là? التأويل ولا واش فاتك التأويل التأويل نعم إثبات بدون إيش بدون التحريف تحريف نعم تحريف c'est-à-dire on modifie pas le sens comme ils font les شعراء يعني beaucoup de صفة il les modifie pourquoi parce qu'ils pensent qu'il y a un تشبيه qu'il y a un تمثيل qu'il y a une ressemblance تمام مثلا اليد ils vont dire non ce qui est voulu par اليد c'est pas اليد c'est la ni'ma. Donc là, ils ont fait quoi? Un isbat. Ils ont affirmé qu'Allah Azzawajal, il a yed. La kin, c'est quoi la ma'na de yed عندهم? C'est un ni'ma, c'est faux. Donc ils ont fait un isbat, la kin bit-tahrif, avec une modification d'essence. Amma ahlu sunna, ils font isbatun bidouni tahrif, sans modification. Wa bidouni tamthil, sans mettre des ressemblants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font un nafi bidouni ta'til. N'aham. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Les cœurs sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout simplement, yani c'est simple, yani pour nous, tu vois, parce qu'Allah azza wa jalla nous a guidés. Alhamdulillah al-afia. Lorsque tu dis ça, tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a voulu un bien mais énorme. Parce que tu dis même quelqu'un qui est sécran, qui est ivre, il ne peut pas dire ça, c'est pas possible. Il y a des choses que. Ils sont rentrés dedans dans la philosophie, frère. Wallah il a rien, tu dis, mais on parle avec des majnoun ou bien ils font exprès, c'est pas possible. Allah il est alim, lakin il n'a pas de science. Maintenant ils disent. Allah il est savant, lakin il n'a pas de science. Comment on peut être savant sans science? Des paroles de malade, de fou. Des paroles de fou. Tu dis, je parle pas avec des humains, c'est pas possible, tu vois. Mais pourtant, ils l'ont dit, subhanallah. Donc, ouais, comme tu as dit, subhanallah, yani, c'est simple. Aslan, le Coran, c'est simple. وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ. On a facilité le Coran yani, pour le rappel. Lakin, c'est eux qui sont venus avec. Il y a eu des complots aussi, des gens qui sont rentrés dans l'islam, bismillah l'islam, lakin, qui ne sont pas des muslims, comme l'ont fait les Yahoud avec les Nasara, comme l'a fait Abdallah ibn Sabah, ibn Saloul. Aoula, yani, ils sont venus, ils ont comploté, les monafiques, yani, qui sont avec le Qamis, lakin, en. Sous le Qamis, il y a du coffre, tu vois. Il y a des complots, il y a des. لكن ويمكرون ويمكر الله الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات كالله عز وجل نزفع مثل ستعقيد له لكي نزيح بها بخير نزفع جدي سبحانه وتعالى هذا هو الخلاصة نعم جزاك الله وإياك يا أخي نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياك بما سمعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.